et sentiments qui brûlent mes entrailles. Quand parfois sur un autre se pose ton regard, quelles sont ces épines qui mon cœur entaille? Quand rougissent tes joues pour un autre gaillard, ce mouvement de l'âme au plus profond de l'être aussi les me taraude. Quand se pose sur ton corps les yeux d'un baratineur, ne pensant qu'au paraître, te sourit en bel âtre sans l'once d'un remords, signe d'un attachement qui dévoile la faille d'un bouillonnement intense au tranchant d'un rasoir. Oui, jaloux, je le suis, prêt à toutes les batailles, quand les remarques fusent aux bouches des charognards. La la la la la la la la la la la la la. Ces voleurs de cœur, ces sourires de psylle, je les vomis, les ai tous en horreur de les voir graviter, charmeurs de pacotille autour de tes atours qui font tant mon bonheur. Ces draveurs sans vergogne, pauvres épouvantails, n'ont même pas la honte de se voir en un miroir. Oui, belle, tu fais envie à toute cette racaille qui grouille autour de toi, tels des cafards. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mon amour, si en toi confiance je n'avais, fou dément sans doute je deviendrais, pris par la déraison, le regard noir, les poings fermés, les canines en avant, tel un chien enragé. Je briserai les os de tous ces Apollons, et au diable la raison. Mais plus fort que la haine, ce sentiment malsain, celui qui m'anime, m'emporte auprès de toi, me donne le courage d'ignorer ces crétins, quand d'un seul sourire tu attises mes émois.